bonsoir et merci de nous rester fidèles. Bienvenue à cette dernière édition de ce 25 mai 2018. Donc voici d'abord la charpente. L'envoyé du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies plaide pour la reprise du dialogue inter-burundais. Devant le Conseil de sécurité des Nations Unies, Michel Kafando a estimé que la voie du dialogue inclusif est le seul moyen de résoudre la crise au Burundi. L'organisation de lutte contre les malversations économiques, Corucom, demande la tenue d'un autre round de dialogue inter-burundais. Dans une correspondance adressée à la médiation dans le conflit burundais, Gabriel Rufyi, le président de cette organisation, trouve que le récent scrutin référendaire risque d'enfoncer le pays dans une impasse politique. Sur ce dialogue réclamé, la présidence de la République du Burundi rassure que le gouvernement burundais reste disposé à dialoguer à condition que ce dialogue se tienne au Burundi. Vous aurez les détails. Le personnel de l'hôpital de Buhiga, nous sommes en province Karusi, sont en grève depuis le matin de ce vendredi. Ils réclament la libération de leur collègue qui a été arrêté. Voilà pour le sommaire. Les détails, c'est dans ce journal qui vous sera présenté par Elini Benibigira et mis en onde par Albert Ndouaïo. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Rebonsoir. Débutons ce journal par la parole sécurité. 23 des 29 Burundais arrêtés le mois dernier par la police kenyane sont arrivés ce vendredi au Burundi. C'est ce qu'indique le porte-parole du ministère burundais de la sécurité publique. Pierre Ngurikiye précise que les 6 Burundais qui restent au Kenya pour des raisons d'enquête restent 6 autres Burundais restent au Kenya pour des raisons d'enquête. Il ajoute en outre que ces victimes du trafic humain seront remises dans leurs familles respectives après les enquêtes. Suivez-le. Il y a un groupe de Burundaises victimes du trafic des êtres humains et qui a franchi la frontière burundaise à destination des pays arabes via le Kenya. Et la police burundaise a eu des informations sur ce trafic des êtres humains et a immédiatement contacté la police kenyane. C'est le bureau Interpol de Bujumbura qui a contacté son homologue de Nairobi et ce dernier a instruit à la police kenyane qui a immédiatement commencé les enquêtes. Et le 21 avril, cette police a appréhendé ces 29 Burundaises victimes du trafic des êtres humains et ainsi que des trafiquants en Kenya et en Burundi. Le Kenya s'appelle Abdallah Kasso et le Burundi s'appelle Bigiriman Hassan. Après, la police kenyane a alors mené des investigations approfondies et c'est maintenant que elle vient de nous remettre 23 des 29 victimes du trafic des êtres humains. Il y a 6 qui sont restés au Kenya pour aller témoigner à charge des 2 trafiquants qui sont restés au Kenya et qui vont être présentés à la justice kenyane. Vous avez vu 4 officiers de police kenyane qui ont accompagné ces femmes burundaises. Ces officiers de la police kenyane ont remis à la police judiciaire burundaise tout un dossier volumineux et qui contient toutes les enquêtes que cette police a menées. Maintenant, alors, la police judiciaire burundaise va examiner ce dossier et faire des interrogatoires supplémentaires sur ces femmes. Et après, alors, va laisser ces femmes regagner leur famille. Page politique, je vous l'avais dit en titre, l'envoyé spécial de l'ONU au Burundi appelle les autorités de ce pays à envoyer un signal fort en faveur de la reprise du dialogue politique. Devant le Conseil de sécurité des Nations Unies, ce jeudi, Michel Kafando a affirmé que le dialogue inclusif reste la seule voie pour régler les défis auxquels font face le Burundi. Au cours de cette séance, certains pays sont apparus profondément divisés sur la marche à suivre afin de stabiliser le pays qu'ils estiment stable. La tenue du récent référendum a aussi fait objet de discussions au banc Niyonkuru. Au cours de cette séance, la Chine a appelé au respect de la souveraineté du pays. La Russie a avancé que la situation réelle du pays n'est pas ce que certains veulent faire croire. La délégation burundaise a plutôt réitéré sa demande de retirer le Burundi de l'agenda du Conseil de sécurité, arguant que la situation qui y prévaut est loin de constituer une menace à la paix. La Bolivie et la Guinée équatoriale ont estimé que le référendum et le processus électoral relèvent des affaires intérieures du pays. Ce communiqué de presse du Conseil de sécurité montre que les interventions de certains pays comme les États-Unis et la France diffère de celle des premiers. La France considère que la révision de la Constitution introduit des modifications qui vont à l'encontre de l'accord d'Arusha. Les États-Unis ont mis en garde contre des amendements constitutionnels tendant à consacrer la concentration des pouvoirs. Le représentant du Burundi s'est félicité quant à lui du succès du référendum constitutionnel. Ce qui se dit sur un soi-disant non-respect de l'accord d'Arusha relève de la manipulation de certains acteurs de vouloir déstabiliser le Burundi, a-t-il déclaré. Michel Kafando a réitéré que ce n'est qu'à travers un dialogue inclusif que les Burundais apporteront des solutions durables à la crise actuelle. Il s'est notamment inquiété du fait que plus de 6 mois après la dernière session du dialogue inter-burundais, le processus politique n'a pas enregistré de progrès significatifs. Ce n'est pas l'envoyé spécial de l'ONU au Burundi seulement qui réclame la reprise du dialogue inter-burundais. L'organisation de lutte contre les malversations économiques, ORICOM, demande à la médiation dans le conflit inter-burundais de convoquer un autre tour de dialogue pour régler le conflit burundais par son mécanisme. Dans une correspondance que cette organisation a adressée ce mercredi à la médiation, le président de l'ORICOM s'inquiète que la classe politique n'est pas anonyme sur les résultats du référendum. Gabriel Ruffilli estime que les conséquences économiques sont énormes et pense que le dialogue pourrait barrer la route aux personnes qui voudraient chercher la solution au conflit burundais par les voies non pacifiques. Suivez-le, il a été joint au téléphone par Joseph Nsabiyabandi. Il y a un recommuniqué de la misère à Burundi, la coalition de la misère à Burundi, qui nie catégoriquement les résultats du référendum. Il y a le parti Frodebu qui a sorti un communiqué niant les résultats du référendum. Il y a la communauté internationale, à commencer par les pays de l'EAC, qui n'a pas envoyé aucun observateur. Il y a l'Union africaine, qui n'a pas envoyé aucun observateur. Il y a les Nations Unies, qui n'ont pas envoyé aucun observateur. Il y a l'Union européenne, qui n'a pas envoyé aucun observateur. Raison pour laquelle nous craignons que l'économie burundaise, qui est déjà moribonde, risque d'être aggravée par cette situation. Ici, je voudrais vous dire que, en plus de toutes ces questions, il y a la délocalisation du sommet, le 20e sommet du COMESA, qui devrait soutenir au Burundi, mais Manu Militari, si je peux le dire ainsi, dans moins de 2 semaines, ce sommet qui allait réunir plus de 20 pays a été délocalisé au siège du COMESA à Lusaka. Vous le savez, les partenaires du Burundi qui financent le Burundi à 50% du budget général de l'État, ils ont diminué en 2015 20%. Les 30% qui restent risquent de ne plus se trouver dans le budget général de l'État. C'est la raison pour laquelle donc l'ORICOM insiste sur le dialogue inter-burundais externe qui pourrait trouver une solution favorable. Donc, il ne faut pas que les gens qui pensent à la guerre, qui pensent à la violence, on ne leur donne pas de la brèche. Gabriel Ruffilli, le président de l'ORICOM, assume ce dialogue réclamé. Le Burundi reste ouvert au dialogue inter-burundais qui se tient à l'intérieur du pays. Le porte-parole adjoint du président de la République explique que le vote référendaire du 17 mai courant est le résultat de ce dialogue. Alain Diomède Nzeimana explique que le pays a franchi par là un pas remarquable. Suivez-le. Et l'envoyé du secrétaire général a parlé du dialogue, mais il n'a pas mentionné un dialogue externe. Il a parlé tout simplement d'un dialogue inclusif. Et les recommandations qui sont venues de ce dialogue ont abouti au référendum, par conséquent, la nouvelle constitution. L'envoyé spécial dit que le processus politique dans le dialogue inter-burundais n'a pas encore enregistré de progrès significatifs. C'est très regrettable que nous, au Burundi, on avance un pas et au niveau des Nations Unies, on fait un recul de 2 pas. Parce que vous ne pouvez pas parler d'un recul alors que nous, au Burundi, nous sommes en train de savourer le résultat au fait du dialogue. Ce sont les Burundais eux-mêmes qui ont recommandé que la constitution soit révisée. C'est ce qui est fait. Maintenant, nous voyons les gens comme Kafando qui continuent à utiliser le terme « crise ». Un pays en crise ne peut pas organiser des élections. Michel Kafando recommande que le même dialogue soit mené en prévision des élections de 2020. Le dialogue est permanent. les acteurs politiques, les partis politiques, et que ce soit les indépendants, politiciens qui sont à l'extérieur devraient au fait rentrer et préparer une feuille de route pour la bonne conduite des élections de 2020. Ils ne vont pas le faire à l'extérieur parce que le Burundi est gouverné au Burundi. Les élections auront lieu au Burundi. Les politiciens qui n'ont rien à s'accuser devraient rentrer au Burundi parce que le Burundi a pris un chemin dans nos retours, c'est-à-dire que la politique burundaise doit être claire. La nouvelle constitution montre exactement comment le Burundi doit être gouverné. Alain Diomède Nzeyimana, il est porte-parole adjoint du président de la République. Après une courte pause, on continue avec l'environnement. Isanganiro, la radio de l'avenir. Certains usagers de la rue Mukarakara dans le quartier Kigobe Sud d'extension demandent que les travaux de stabilisation des berges de la rivière Nhangwa puissent continuer. Ces travaux se sont arrêtés il y a plus d'un mois. La société Citecor qui exécutait ces travaux disait attendre le contrat avec le ministère de l'Environnement. De son côté, le porte-parole du ministère avait annoncé la confection de ce contrat, Mihai Kanyang. Bobikora kuneza y'abanyagihugu kuneza y'abarengana no kuneza yabo nyene na amazu yegereye hano hantu nayo nyene azotera abomoke mu ruruzi rwa ntahangwa. Il demande que cette rue soit réhabilitée et les maisons au bord de l'écroulement protégées. Ce sont là quelques piétons rencontrés ce vendredi sur la rue Mukarakara en zone urbaine de Gihosha. C'est devant les parcelles numéro 4, 6 et 8 devant lesquelles les travaux de stabilisation des berges de la rivière Nahangwa avaient commencé mais arrêtés dès le début du mois de mars de cette année. Ce piéton regrette que ses travaux n'aient pas pu continuer. Cet endroit continue à glisser. Des travaux avaient commencé. Ce qui est déplorable, c'est que même ces travaux ont été suspendus. Nous voudrions que l'on reprenne les activités vu l'état de ce ravin près de cette rivière. En regardant ces maisons proches d'ici, elles sont au bord du gouffre. Si rien n'est fait dans l'urgence, cette rue sera totalement impraticable. Cette femme, quant à elle, se met dans la peau des propriétaires de ces maisons vis-à-vis des moyens alloués à ces constructions. L'on a mis beaucoup d'argent dans la construction de ces maisons. Vous voyez que c'était de belles maisons VIP. Nous, les piétons, nous avons peur de passer tout près, craignant de tomber dans le fossé. Moi, personnellement, j'ai contourné pour passer et je me suis appuyé à ce mur, c'est-à-dire que dans les jours à venir, les piétons pourront manquer ou passer si rien n'est fait. Je ne sais pas si les propriétaires de ces maisons sont toujours là ou s'ils ont déjà déménagé. Les travaux de stabilisation de cette rivière sont inscrits dans les travaux d'urgence, comme le montre le panneau situé à l'entrée de cette rue sur le boulevard du 28 novembre après avoir franchi le pont de la République. Les travaux de stabilisation de cette rivière sont inscrits dans les travaux d'urgence sur une durée de 3 mois, comme le montre un panneau situé à la jonction de cette rue Mukarakara et le boulevard du 28 novembre après avoir franchi le pont de la République. La société Citecor, qui avait gagné le marché pour ces travaux, ne les a pas continués en début du mois de mars de cette année. Le patron de cette société disait attendre un contrat avec le ministère de l'Environnement. Le porte-parole de ce ministère d'alors parlait de 2 semaines pour terminer le dit contrat, mais 2 mois après, les travaux sont toujours au point mort. Merci Mireille Kanyang, et je te fais savoir que la directrice générale de l'urbanisme tranquillise que ce problème est connu et sera bientôt résolu. Et Mehran Senhaoui précise en outre que le ministère en charge de cette problématique se soucie de l'urgence de ces travaux. Page santé, les pays voisins de la RDC menacés par l'Ebola doivent se préparer à faire face à des cas de ce virus sur leur territoire. Dans une réunion des professionnels de la santé, le représentant de l'Organisation mondiale de la santé au Burundi a fait savoir que la population a besoin d'avoir des informations sur les risques réels d'Ebola. Le docteur Kazadi Malombo reconnaît que certaines mesures déjà prises, notamment les infirmiers au poste des frontières, marquent un pas. Suivez-le. La population a besoin d'être guidée, la population a besoin d'être informée sur les risques réels dans les circonstances actuelles pour qu'elle prenne des mesures de prévention et surtout qu'elle puisse rapporter auprès des autorités et des services compétents s'il y a un cas suspect qui pourrait être qualifié comme un cas potentiellement infecté par la maladie à virus Ebola. Donc la population doit être informée, doit savoir regarder un peu à l'historique de sorte que s'il y a quelqu'un dans la communauté qui a séjourné, pourquoi pas, en Bandaka et qui est revenu, ça peut être un Burundais, ça peut être quelqu'un du dehors qui a des fièvres, elle doit pouvoir dire, tiens, ça peut être un cas suspect et surtout alerter les services de santé sans pour autant paniquer. Nous avons vu au niveau des points d'entrée, par exemple, qu'il y a des infirmiers postés là-bas qui ont des thermomètres à infrarouge qui permettent de détecter des cas de fièvre à distance. C'est déjà quelque chose. Nous avons vu des infirmiers postés à l'aéroport au niveau d'autres points d'entrée. Il pourrait y avoir des besoins d'augmenter leur nombre si la menace devient grandissante. Nous avons vu que le gouvernement a déjà identifié au moins deux endroits qui pourraient servir de centre de prise en charge. La mission a justement donné des recommandations pour savoir comment améliorer ces centres pour qu'ils puissent réellement jouer leur rôle s'il y aurait un besoin. Donc l'important à ce stade, c'est de savoir ce que c'est la maladie d'Ebola, de savoir regarder dans l'historique, de détecter un cas suspect et de prendre les mesures qu'il faut ensemble avec le personnel de santé. Toujours la page santé en bref, le personnel de l'hôpital Bouhiga de la province sanitaire de Karoussi a suspendu le travail depuis l'avant-midi de ce vendredi. Le motif est de la grève. Leur collègue arrêté vers 22h de la nuit dernière par des personnes non reconnues. La direction de cet hôpital indique que cet homme est au bureau provincial du service national de renseignement. Tout de suite, la chronique. Radio Isanganiro Chronique. La chronique environnement d'aujourd'hui, l'exploitation exagérée des ressources naturelles telles l'agression des rivières et l'urbanisation dans des zones à risque sont parmi les causes des inondations dans certains quartiers du nord en mairie de Bujumbura. Albert Mbonerané, expert en environnement, dit qu'une étude d'impact environnemental est indispensable pour voir si la nature du sol est prête à accueillir les bâtiments. Christelle Nizigama. Quand on voit les montagnes qui surplombent la ville de Bujumbura, en comptant le nombre de rivières qui tirent leurs sources dans ces collines, comme les rivières Mutimbuzi et Gikoma, lorsque la pluie tombe, explique Albert Mbonerané, expert en environnement, elle emporte des déchets qui vont boucher les canalisations de différents quartiers du nord de la ville de Bujumbura. Dans la ville de Bujumbura, surtout quand vous parlez des quartiers du nord de la ville de Bujumbura, quand vous voyez la façon dont ces quartiers sont aménagés, c'est vraiment plat. L'eau ne fait que stagner au lieu de continuer à couler. Les caniveaux sont bouchés et puis il n'y a pas, je dirais, de travaux réguliers pour déboucher ces caniveaux. Ce qui fait que quand l'eau déborde, il n'y a pas d'autre solution, c'est d'envahir les habitations. Cet expert dit qu'il y a une exploitation exagérée des ressources naturelles. Des rivières sont agressées, ce qui est la cause des inondations en mairie de Bujumbura. La nature n'est pas du tout bien protégée. Il y a une exploitation exagérée où on cultive n'importe comment. Les pratiques agricoles ne sont pas bien organisées. On cultive jusqu'à agresser les droits de ces rivières. Parce que quand je prends le code de l'eau, les rivières qui sont des affluents du lac Tanganyika, comme Mutimbuzi, on devrait respecter une distance de 25 mètres de chaque côté. Des fois, on ne se pose pas de questions. Quel est l'avenir de la ville de Bujumbura qui est en aval de ces montagnes qui surplombent la ville de Bujumbura? Au niveau de l'urbanisation, Albert Mbonerané dit qu'une étude d'impact environnemental est indispensable pour voir si la nature du sol est prête à accueillir les bâtiments. Pour lui, l'homme est le premier acteur dans la destruction de l'environnement. Au niveau de l'ancien ministère de l'eau, de l'environnement, aménagement du territoire et de l'urbanisme, nous avons une direction générale de l'urbanisme qui doit veiller à la planification urbaine. On ne peut pas viabiliser quand on n'a pas fait une étude d'impact environnemental. Certaines zones sont à risque quant à la construction des bâtiments. Pour cet environnementaliste, on devrait y cultiver seulement. Les zones de Buterere, quand vous voyez Charama, et aujourd'hui quand je vois comment la ville est en train de s'étendre vers Kihanga, et quand vous descendez de Bugarama, vous allez voir qu'il n'y a aucune montagne dans cette zone. Alors que par le passé, c'était des zones où on cultivait du riz, on utilisait beaucoup d'eau. Et là, au niveau de la nappe phréatique, c'est rempli. Et aujourd'hui, quand on vient y aménager un quartier, sans que l'on ait pensé à une bonne viabilisation avec la canalisation des eaux de pluie, ça devient un problème. Le coût des destructions est énorme suite aux inondations diluviennes. Cela a par ailleurs de graves conséquences, selon l'environnementaliste Albert Mbonelane. Mais tout peut avoir des solutions. On vous en parlera dans la chronique prochaine sur l'environnement. Christelle Anizigama, merci. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Merci également à Audrey Nendaikeza qui a mis en onde son journal. Et Lini Benibigira qui vous l'a présenté. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Au revoir.